l'année, quand on déboule un Favre d'Églantine à la guillotine. Je n'ai plus un ami, Charles Gauthier est emprisonné à la conciergerie. Laisse froid. Avec un peu de chance, les fantômes de mes espérances survivront après moi.